Chapitre 2e. On pouvait dire de Bourdon ce que Diderot disait de Greuze. Ah, si Greuze n'avait pas un ennemi qui s'appelle Greuze. En effet, Bourdon gâtait sa vie et sa fortune comme un plaisir. Quand il était sur le bon chemin, il se détournait brusquement comme un cheval rétif qui va donner de la tête aux arbres de la route. Par exemple, on lui commanda 6 tableaux pour les tapisseries de Saint-Gervais. C'était de quoi nourrir sa famille pendant 6 ans. Le voilà qui relève galamment sa moustache et qui s'en va au café raconter très gaiement les miracles de Saint-Gervais. Il eut beaucoup trop d'esprit. Quelques peintres, jaloux de ce coup de fortune, répandirent partout ses plus vives impiétés. Les marguilliers lui déclarèrent qu'il se passerait bien de lui pour peindre les miracles de Saint-Gervais. Ils donnèrent 3 tableaux à Le Sueur et 3 à Philippe de Champagne. Sébastien Bourdon acheva pourtant celui qu'il avait commencé. Il avait été de l'établissement de l'Académie. Comme c'était l'homme du monde le moins académique, il y souleva plus d'une révolution. En tout, il portait l'impossible avec lui. C'était à qui ventrait son cœur et son intelligence. Tout le monde le trouvait charmant, mais vu de loin. Dans l'intimité, il avait l'art d'irriter les plus calmes par ses extravagances et ses caprices. Le roi, qui à plusieurs reprises déjà avait pensé à lui, lui commanda un plafond aux Tuileries. C'était encore une fois la fortune qui venait s'asseoir à sa porte. Quoiqu'il eût 55 ans, il avait gardé toute sa jeunesse. Il avait la coutume de se dire, se croyant toujours à 20 ans, « Je n'ai pas encore commencé ». Sébastien Bourdon avait commencé, mais il ne devait pas finir, car il mourut tout en peignant les premières figures du plafond. La France a perdu ce jour-là un artiste qui eût été un grand artiste, si la réflexion avait mis un frein à son imagination vagabonde. Quand on passe devant le portrait de Bourdon et devant ses tableaux, on se prend d'une ardente sympathie pour ce peintre, qui n'est pas un grand peintre, mais qui n'est pas un peintre médiocre. Ses meilleures pages ne sont que des à peu près. Un peu plus, ce serait de la grande peinture. Un peu moins, ce serait encore des œuvres de maître, car il a beau s'inspirer du Titien et du Corrège, du Poussin et de Le Sueur, il est toujours original, parce que le feu qu'il répand sur ses figures, il le prend dans son cœur. Il avait l'air de peindre en se jouant. Les plus graves compositions ne le rendaient pas méditatif. Il allait un peu en aveugle, disant que la lumière jaillit du chaos. Son enthousiasme et sa hardiesse le servaient souvent. Là où un peintre plus calme et plus pensif se fut arrêté tout effrayé de l'enfantement, il passait outre sans trébucher. Bien des fois, on a pu lui dire qu'il manquait de science, mais il a pu répondre qu'il ne manquait pas d'imagination. La tradition ne l'inquiétait pas. Il avait foi en lui et disait qu'il avait ses raisons de croire les choses telles qu'il les peignait. La tradition, selon lui, n'était bonne que pour les copistes, et tout artiste bien inspiré devait créer son monde sans souci des mondes créés, pourvu qu'il imitât la nature. Malheureusement pour lui, Bourdon faisait semblant d'imiter la nature. Il n'avait jamais pris le temps de vivre en familiarité intime avec elle. Il l'avait vue, mais il ne l'avait point senti. Ce qui le séduisait avant tout, c'était l'aspect pittoresque et les effets du style. Son idéal est habillé avec fracas et traîne bruyamment son manteau, comme sur un théâtre. Un air de vérité se trahit dans sa figure et dans ses mouvements, mais ce n'est point là l'expression profonde et pénétrante de la vérité. Ses madones et ses madeleines charment bien plus les yeux qu'elles ne touchent le cœur. Ce n'est point là celle qui verse le sauveur des hommes, ni celle à qui il a été beaucoup pardonné. Ce sont des femmes, mais c'est déjà beaucoup. Raphaël lui-même n'a-t-il pas peint plus d'une fois des odalisques en voulant représenter des saintes? Il y a une Madeleine de Bourdon qui est d'un style plus élevé et d'un sentiment plus divin. C'est celle qu'il a gravée lui-même. Selon le marquis d'Argence, c'est le portrait d'Aurore de Guerrier. Puisque cette femme a été l'image de son amour, pourquoi n'a-t-elle point été l'image de son génie? Cette beauté, d'un caractère grave et charmant, a pour ainsi dire inspiré Prudhon un siècle plus tard. Il ne faut pas beaucoup chercher pour trouver dans Prudhon le poétique souvenir du peintre de Montpellier. Tous les deux ont vu par le même prisme les femmes et les enfants, tous les deux ont baigné leurs yeux dans le même rayon de lumière. Mais Bourdon n'a été qu'un enfant prodigue. Il a mangé son bien avec les courtisanes de l'art.